et moins du mal, moins du mal. Néochrome, néochrome. Farage, farage. J'aurais pu être ce kamikaze pour le compte du Hamas. Ceinture et dynamite prêt à t'exploser en pleine face. Auteur présumé d'attentat, ça dépend d'où tu te places. Soit tu marches au pas, soit tu marches en pas. J'aurais pu fleurir dans ce camp soumis à Dieu, là où les impacts de balles finiront par m'ouvrir les yeux. Oppressé parce qu'on porte tous le deuil en permanence. Si je pars en martyr, faut que t'en sois fier maman. Né pour mourir, je me fous des rêves de galériens. Mon ciel étoilé par des raids aériens. Comment veux-tu que la haine cesse? Le monde sent pas les reins. Qu'on se fasse bombarder par des F-16. C'est pour tous ceux qui n'ont plus que des souvenirs. C'est pour le sang des innocents que j'ai vu partir. C'est pour les pères, les mères, les fils et sœurs martyrs. Que Dieu vous préserve, vous êtes arpatiers. C'est pour tous ceux qui n'ont plus que des souvenirs. C'est pour le sang des innocents que j'ai vu partir. C'est pour les pères, les mères, les fils et sœurs martyrs. Que Dieu vous préserve, vous êtes arpatiers. Compte plus les guerres civiles, les discordes qu'ils sèment, les armes qu'ils vendent et c'est la paix qu'ils aiment. Ils jouent à ce double jeu qui dure aux yeux du monde. Ils veulent le rôle du pont te couler dès que tu montes. Au bout du compte, va savoir ce qu'ils m'accouillent. La haine n'a plus de limite à la râle, c'est le maktoub. On n'a pas le droit de se plaindre pour ceux qui vivent le pire. Une rafale part, on vient célébrer nos martyrs. Raffole pas d'attentats et bombes humaines, mais sans aucune aide. Attends-toi une atmosphère funèbre. J'parle de punaises, de porcs qui ne volent pas droit. Derrière la bouche, en passant par Tony Blair, son bras droit. J'verse une larme pour mes démunis. De quoi on se plaint? Y'a que Dieu qu'on craint, nique les États-Unis. Parce qu'au fond, réalité oblige. Un frère se fait des sauts pendant que l'autre purge ses 20 piges. C'est pour tous ceux qui n'ont plus que des souvenirs. C'est pour le sang des innocents que j'ai vu partir. C'est pour les pères, les mères, les fils et sœurs martyrs. Que Dieu vous préserve, vous êtes arpatiers. C'est pour tous ceux qui n'ont plus que des souvenirs. C'est pour le sang des innocents que j'ai vu partir. C'est pour les pères, les mères, les fils et sœurs martyrs. Que Dieu vous préserve, vous êtes arpatiers. Y'a plus de règles quand le monde pleure ses victimes. Aucune peur, parler de guerre, de la fin du monde et de ses signes. Témoin du mal, au diable ses combines. Un père pleure son fils plaqué au mur, une balle dans la poitrine. C'est pour tous ceux qui n'ont plus que des souvenirs. C'est pour le sang des innocents que j'ai vu partir. C'est pour les pères, les mères, les fils et sœurs martyrs. Que Dieu vous préserve, vous êtes arpatiers. C'est pour tous ceux qui n'ont plus que des souvenirs. C'est pour le sang des innocents que j'ai vu partir. C'est pour les pères, les mères, les fils et sœurs martyrs. Que Dieu vous préserve, vous êtes arpatiers. Le cœur des miens c'est... Et c'est là que je perds patience. Il me reste plus qu'une option, celle qui fera taire ta science. Témoin du mal, témoin du mal. Néochrome, Kalachnikov. Kalachnikov.